rendu à la base et à ma clique. J'ai nique ça, ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. Rendu à la base et à ma clique. J'ai nique ça, ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. Jure pas dans ma part, baisse Sarkozy. Une partout chez sa mère, et que tous les Thomas partent. Nique les Thomas, rien à foutre de la géographie. Moi je respecte que moi-même, et nique l'histoire de Bonaparte. Elle est où ma France tombe pas, à force qu'on part. Rien avance et puis on cause comme ça, n'insistons pas. C'est le plan qui veut son bled, prends une carte électorale. Pense à ton avenir ou viens on baisse les kisses d'en face. Mes créances tapent des caricatures sur les nôtres. La souffrance et les bombes vont taper chez les vôtres. Le chronomètre enclenché, c'est les peuples qui vont subir, les riches contre les pauvres. Rendu à la base et à ma clique, j'ai nique ça, ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. Rendu à la base et à ma clique, j'ai nique ça, ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. Y'a des rêves prémonitoires, du sroll, du mauvais oeil, du prol. Du respect pour nos beautés aux yeux maquillés de crawl. Je représente la Tunisie, l'Algérie en force. La France j'ai pissé dessus, l'usine, bienvenue dans ma zone. Entre Doumam c'est Mohamed, Bram c'est moi-même. Y'a aucune différence, y'en a qui clame, c'est un mot à peine. J'aurais pu m'appeler Ben Laden, m'appeler Saddam Hussein et combattre George Bush et sa répute. Paris la capitale c'est une pute, je la baisse avant de lui mettre un doigt dans son hood. Rendu à la base et à ma clique, je nique ça à ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. Ça veut tout dire, reçois bien le message. Adresse c'est pas mon place mec, tu peux m'appeler Samir. Si je reviens pour un carnage, j'ai de la cire autour du cou, ça va être dur pour les vampires. Rendu à la base et à ma clique, j'ai nique ça à ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. C'est dommage, les gens comprennent pas que dans le ghetto on est tous dans la merde. Les jaloux et nous on s'entend pas, et pourtant on défend les mêmes affaires. Ici-bas c'est chacun pour soi, et on n'est pas éternel sur terre. Vous avez tous la même vie que moi, la tête dans les nuages, le cœur dans la misère. Pendu à la base et à ma clique, j'ai nique ça, ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie. Pendu à la base et à ma clique, j'ai nique ça, ma guise, le mic. Et ma brise et ma tire vise mes douces nights. Enchaîné à ma mélodie, je pine le beat et crache sur le visage d'Elodie.